Je circule sur une voie d'accélération pour m'insérer sur la chaussée principale. Ce panneau me concerne, je dois céder le passage aux usagers engagés sur la chaussée que j'aborde. La voiture, dans le rétroviseur, est trop près de moi et ne permet pas de m'insérer dans l'immédiat sans la gêner. Réponse B.